مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وحسبتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كوغ ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب معرفة علامات الإعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل إن شاء الله ونبرسيه. On s'est arrêté sur les nasb, خمس علامات. Et comme on a dit vendredi, inshallah, on prend pas de marajat. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد انتهاء من بيان علامة يعني الضمة لما تكون علامة من الرفع، ثنى المؤلف رحمه الله تعالى بعلامة النصب. تمام؟ يعني بيقول كيف كسر النصب؟ النصب قلنا هو تغيير مخصوص بالفتحة أو ما ناب عنها بسبب عامل. تمام؟ النصب تغيير مخصوص في آخر الكلمة بالفتحة أو ما ناب عنها بسبب عامل. Ça, c'est la définition du nasb. C'est la chose, c'est le mot qui a été modifié. La fin du mot qui a été modifié par une kasra, ou bien ce qui va remplacer plutôt une fatha, et ce qui va remplacer la fatha, et ceci à cause d'un hamil. C'est un hamil qui l'a rendu mansoub. Qala, donc il a utilisé, il a dit que un nasb, pour le reconnaître, tu as 5 halam. Soit la fatha, soit l'alif, soit la kasra, soit l'ya, ou hatfa al-nun. Ensuite, il va évoquer. Qala, fa amma al-fatha fatakunu alamatan lil-nasb fi thalathati mawadi'. Tu peux retrouver la kalima qui sera mansouba avec une fatha dans 3 situations. Tam fi thalathati mawadi'. Fa qala rahimahullah ta'ala fi al-ismi al-mufarad. في الاسم المفرد. On a pu voir la définition du ism al-mufarad. هو ما لا يدل على مثنى ولا على الجمع. Donc c'est une révision en vérité. الاسم المفرد lorsqu'il sera منصوب, lorsqu'il aura un عامل qui va le rendre منصوب, il sera منصوب بالفتحة. مثلا محمد, comme on a dit, c'est un اسم مفرد لأنه لا يدل على التثنية ولا كذلك على الجمع. Si on rentre un عامل qui va le rendre منصوب, il sera منصوب بالفتحة. مثلا si on rentre inna dans Muhammad, مثلا Muhammadun رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Si on rentre inna, ça fera inna Muhammadan رسول الله. Inna حرف توكيد. لا محل له في الإعراب. Muhammadan اسم inna منصوب بإنا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. اسم مفرد. تمام؟ Donc ça c'est l'إعراب de la kalima qui sera un ism mufrad lorsqu'il sera mansoub. Qala wa jam' al-taksir. On a pu voir qu'à cas, qu'est-ce que le jam' al-taksir? On répète parce que kullu ma takarra taqarra. Puis on répète et mieux c'est, et puis tu mémorises. Donc le jam' al-taksir, comme on a pu voir, c'était ma lam yaslam ou ma taghayyara min bina'i mufradihi. C'est le jam' qui a changé. Lorsque tu prends le mufrad, la kalima al-mufrada, tu vois qu'il y a un changement dans le jam'. C'est plus le même. Comme on a pu le voir avec bayt. Bayt, son jam' c'est quoi? Min jam'ihi buyut. Donc là, il y a une différence entre quoi? La kalima al-mufrada sont singuliers du pluriel. C'est pour ça qu'on l'appelait jam' al-taksir. L'anna جمعه تكسر بنسبة بناء مفرده. Le jam' il a été cassé. Si on prend en considération l'état qu'il avait dans le plutôt qu'à son mufrad, son mot singulier. Donc le jam' taksir كذلك. Le jam' taksir si il est mansoub, sera mansoub كذلك بالفتحة. مثلا on avait dit quoi? بيوت. بيوت مثلا إن البيوت جميلة. إن البيوت جميلة. بيوت كذلك هنا نديرها كوا اسم إن منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير تمام الجمع التكسير فصل إسخام منصوب إسخام منصوب بالفتحة قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء لتخاذ الموضوع لدعني par lequel on va trouver une كلمه qui sera منصوبة بالفتحة Il nous dit à Rahimahullah Ta'ala, Al-Fi'l Al-Mudari' Ida Dakhala Alayhi Nasibun. Lorsque on va trouver un Amil qui sera Nasib, et le Amil qui va rendre Mansoub une Kalima Kabahda, on l'appelle Nasib. On appelle ça Nasib. Kathalika, Al-Rafi', pour le Raf, on appellera ça Rafi'. Pour le Jazm, on appellera ça Jazim. Pour le Jar, on appellera ça Jar, ou bien Khafid. Donc le Amil qui va rendre. Qui va changer la fin du mot, soit par le raf ou bien le nasb, ou bien le jazm ou le khafd, on va l'appeler tam, soit rafi', ou bien soit nasib, ou bien soit jazim, ou bien soit khafid. Donc là, nasib c'est quoi? C'est l'amil alladhi yansibu akhir al-kalima al-mu'arabah. Celui qui va rendre mansoub la kalima qui est mu'arabah, qui est variable. Et les nawasib, c'est le jam' de nasib, il y en a plusieurs. Qala wa lam yattasil bi akhirihi shay, comme on a pu le voir. لم يتصل بآخره شيء أي مما يوجب بناءه. تمام كما نحن نرى شيء كيس كي voulu par ici c'est ce qui va rendre soit le mot mansoub plutôt يعني مبني ou bien qui va changer l'état de l'i'rab. تمام qui va changer l'état de l'i'rab c'est-à-dire que au lieu qu'il soit mu'rab bil haraka il sera mu'rab bil huruf comme on a pu le voir avec le fi'l. تمام المضارع إذا اتصل إذا لم يتصل بآخره شيء lorsqu'il sera marfou', tamam, il sera marfou', on avait expliqué, tamam. Donc là, on répète la base, tamam. Donc, لم يتصل بآخره شيء معنى ذلك لم يتصل بآخره نون النسوة فإذا اتصلت نون النسوة بالفعل وإن دخل عليه الناصب il sera pas quoi? Il sera pas محرب, il sera مبني. كذلك si نون التوكيد rentre dans le fi'l المضارع, tamam, il sera مبني على الفتحة comme on a pu l'évoquer dans le dors précédent. كذلك si jamais le fi'l fait partie des amthila al-khamsa, c'est-à-dire que le fa'il ce sera soit waw al-jama'a ou ya al-mukhatabah ou bien alif al-tasniya, si ces trois choses là sont muttasil, yani ce sont les fa'il du fi'l, et bien kadhalika si jamais tu mets un nasib, une chose qui va rendre normalement mansoub, il ne sera pas mansoub, il sera pas mansoub, il sera mansoub lakin ne sera pas mansoub bi al-fatha lakin bi shay' akhar. Mathalan si jamais je dis en parlant à des femmes, tamam, لن تطلبنا العلم عند المبتدعة. On va dire ça comme ça. Elles n'ont jamais appris la science auprès des gens de la bid'a. لن تطلبنا. Là, on a rentré l'an. L'an, c'est un nasib. C'est une chose qui va rendre, normalement, qui rend le fi'l. Mudari' mansoub. Lakin là, il sera mabni. Pourquoi? Parce qu'il y a nous, les niswa, qui est rentré dans le verbe. Il tassala bil fi'l. Donc là, il n'aura pas d'influence. Il sera mabni. Donc les arabes, مثلا, l'an, on dira, c'est حرف النصب و حرف النصب واستقبال تام. الحروف ils ont pas de محل dans l'arabe, ils ont pas de place dans l'arabe. والفعل on dira quoi? J'avais dit quoi? تطلبنا تام. الفعل on dira فعل مضارع تام مبني تام مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. Il est مبني على السكون pourquoi? Parce que نون النسوة est rentrée. Une personne peut dire mais il y a l'an qui est rentré dans le فعل مضارع. On sait que l'an ça fait partie des nawasib, c'est un nawasib, il rend mansoub le fi'l. Lakin, la réponse c'est que nun al-taukid est rentré et il prend le dessus sur le lan il va rendre mabni le fi'l. كذلك أنه نتوكي تام لن تتنبنا تام مثلا لن أتلبن العلم عند مبتدع إن شاء الله. يعني je n'irai jamais étudier la science chez un مبتدع إن شاء الله. لن أتلبن لكذلك أتلبن le nom c'est bien rentré لن لكن il ne sera pas il sera pas معرب parce que là on a ramené quoi nous notre kid لن أتلبن العلم تام jamais سمن. Certes, Inch'Allah, je n'irai jamais étudier la science chez Amtadir. Donc là, il sera quoi le fi'l mudari et de mabni à l'al-fatha, comme on a pu le voir. Si jamais nous, le toki rentre dans le fi'l mudari, il est mabni à l'al-fatha. Si jamais c'est nous, le niswa qui rentre, il est mabni à l'al-sukun. Et kadarika, la même chose. Si jamais on rentre l'an, lakin, dans les amthila al-khamsa, qui sont yaf'alani, taf'alani, taf'alina, yaf'alouna, wa taf'alouna. Si je dis مثلا لن تفعلي تام لا هنا لن تفعلي الى معرب تام الى منصوب بلن لكن علامه نصبه كما هو الله ان شاء الله c'est حذف النون on lui enlève le nun parce qu'on dit quoi لن تفعلي à la base c'est quoi تفعلينا on a rentré لن on enlève le nun تام ça c'est une des règles inshallah qui sera à venir تام il va l'évoquer dans le dernier lorsqu'il a dit بحذف النون donc là il est معرب لكن ليس معرب il n'est pas منصوب بيش بالفتحة لكن on va le voir inshallah بحذف النون كذلك avec les autres hein? لن تفعل لن يفعل لن يفعل لن تفعل تمام donc il faut pas que tam il faut pas que ce fi'l mudari tam même si jamais il a un nasib il faut pas que il soit attaché par une chose qui va soit le rendre mabni ou bien soit qui va transférer son i'rab de la haraka jusqu'à quoi jusqu'au huruf tam donc ça c'est le premier mudari tam le premier mudari le nasb lahu khams alamat al-fatha الألف الكسرة الياء وحذف النون. Il nous a évoqué la fatha. Et pourquoi il a commencé par la fatha? Parce que c'est quoi? C'est l'asl. Hatta lorsqu'ils évoquent la définition du mansoub, plutôt du nasb, ils disent تغيير مخصوص في آخر الكلمة بالفتحة. أو ما نبع عنها. Ils évoquent la fatha et ensuite ils évoquent les choses qui peuvent remplacer la fatha. Parce que c'est quoi? C'est l'asl. الأصل في النصب سكي يكون يكون منصوب بالفتحة. C'est pour ça qu'ils ont commencé par la fatha. Donc la fatha, lorsque tu la verras, c'est une alama pour juger que la kalima elle est quoi? Elle est mansouba dans trois mots qui sont quoi? الاسم المفرد جمع تكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. Et lorsqu'on dit qu'il sera mansoub بالفتحة, il faut qu'il y a quoi? Il faut qu'il y ait un nasb, il faut qu'il y ait une chose qui le rende mansoub. Comme on a pu le voir, lorsqu'une chose elle est mu'araba, elle est variable, elle n'est pas mu'araba binafsiha. Elle ne s'est pas rendue mansoub binafsiha. C'est objet qui est un hamil. Comme on a pu le voir dans la définition de l'i'rab, il a dit quoi? هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديرا. Donc il y a un hamil qui rentre dans ces kalimas-là qui font qu'ensuite avant mu'araba soit bi al-raf soit bi al-nasb soit bi al-jazm ou soit bi al-khafd. Donc il faut qu'il y ait un hamil. نعم. Ensuite il évoque rahimahullah ta'ala قال أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. On a pu le voir qu'en vérité c'est du nombre de six. الأسماء الستة. قال نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. Il nous dit donc la alif sera alama linnasb dans une kalima qui sera quoi? Yani dans un mawdu' qui est quoi? Al-asma as-sitta. Al-asma as-sitta. Il nous a donné des exemples. Il a dit ra'aytu abaka wa akhaka wa kadhalika na'am ra'aytu hamaka ra'aytu dha malin. Ra'aytu dha malin. Donc là ce sont les asma al-khamsa qu'il a cité, lakin il y a kadhalika as-sadis qui est hanuka ra'aytu hanaka. Donc maintenant si on fait l'arabe de ra'aytu abaka, ra'aytu fi'lun madi, fi'lun madin mabni ala sukun. La personne peut se dire il est mabni ala sukun, limadha? Une chose lorsqu'elle est mabni on ne demande pas pourquoi, parce que pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les ashab al-nuha ils n'ont pas évoqué de raison, parce que les arabes ils ont toujours prononcé comme ça. Le chose qui est mabni, mabni. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'amil, il n'y a pas une chose qui est le sabab. Il y en a qui est mabni, il est comme ça, il est mabni, il ne change jamais. Donc, on ne demande pas. Lorsqu'il est mabni, on ne demande pas. Lorsqu'il est mu'arab, on demande qui l'a rendu mu'arab. Qui l'a rendu mu'arab. Lorsqu'il est mabni, on ne demande pas. Donc, ra'aytu, fi'alun madin, mabni ala sukun, l'ittisalihi bita. L'ittisalihi bita. Watta, damirun muttasil, fi mahal raf'a, fa'il. Fi mahal raf'a, fa'il. La chose qui est mabni, on ne dit pas qu'elle est marfou' ila akhrihi, lakin. On dit fi mahal. Et dans l'emplacement d'une chose qui est quoi? Qui est marfou', qui est quoi? Fa'il. Parce qu'on va voir que al-fa'il, il est toujours quoi? Il est toujours marfou'. Wa abaka, tu diras maf'oulun bihi, lorsqu'on dit maf'oulun bihi, ay maf'oul bi al-fi'l. Tam. Na'am, maf'oulun bihi mansoub bil-fi'l wa 'alamatu nasbihi al-alif. Li'annahu min al-asma as-sitta. Tam, ala sahih. Min al-asma as-sitta wa huwa mudaf wal-kaf damir muttasil في محل جر أو في محل خفض مضاف إليه تمام كذلك parce que les damaires sont tous quoi mabni donc on évoque le mahal il est dans l'emplacement d'une chose qui est quoi qui est majrour ou bien mahfouz parce que il est مضاف إليه المضاف إليه il est toujours quoi majrour كذلك le même i'rab avec akhaka تمام c'est le même i'rab et avec ce qui suit كذلك تمام et comme on a évoqué hier تمام afin que ces kalimas là qui sont al-asma as-sitta ils soient mu'rab bil-harf تام بالالف او بيان بالواو في الرفع تام il faut qu'il respecte les shurut ce qu'on a évoqué hier donc il faut qu'il soit quoi il faut qu'il soit mudaf ila ghayri ya al mutakallim tam si jamais c'est le cas il sera mu'rab bil haraka al muqaddara comme on a pu le voir hier tam مثلا tu dis ra'aytu abi tam là on a rentré quoi nasib qui est quoi le fi'l al madi qui va rendre normalement mansoub quoi abi lakin je veux dire mansoub avec normalement avec l'alif. Lakin là, ce ne sera pas mansoub bil alif. Limada, parce que là, il est mudaf ila ya al mutakallim. Et si jamais l'asma sita, ils sont mudaf ila ya al mutakallim, il sera quoi? Mu'rab bil haraka al muqaddara. Si on fait l'i'rab, de ra'aytu abi, ra'aytu abi, on dira, donc on va se concentrer juste sur abi. Amma ra'aytu, c'est la même chose que j'évoquais à l'instant. Fi'l al-madi, mabni ala sukun wa ta, fi mahal raf, fa'il. Abi, مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة المقدرة في آخره منع من ظهورها المناسبة تمام سي لون ديغا اي مضاف تمام اي كاف بلطو ليا مضاف اليه تمام في محل جر مضاف اليه وهي هذه ان شاء الله دونك لا الي كوا لي معرب لكن بيش بالفتحة بالفتحة لماذا باسكو لا با رمبلي لا كونديسيون افان كي سوا كوا منصوب بالفتحة c'est qu'il est mudaf ila ya al-mutakallim et ya al-mutakallim lorsqu'il est mudaf avec les asma sita il sera mu'rab bil haraka al-asliya que ce soit al-damma si jamais le marfou' que ce soit al-fatha si jamais le mansoub on va le voir inshallah que ce soit la kasra si jamais il est majrour donc il faut qu'il soit mudaf lakin s'il est mudaf il ne faut pas qu'il soit mudaf ila ya al-mutakallim wa kadhalika la budda an yakuna mufradan il faut qu'il soit mufrad singulier تام si jamais c'est jam ça marche pas tam ra'aytu ikhwa tam on avait que akh ça fait partie de quoi asma sita lakin si jamais je mets le jam de akh qui est ikhwa tamam ra'aytu ikhwa tam tu diras ra'aytu ikhwatan tam donc là ça va mansoub bi al kasr al fatha wa alamatu na'am mansoub bil fi'l wa alamatu nasbih al fatha zahira fi akhirih tam la ishafa mansoub bil alif limada parce qu'il a pas recul il a pas n'am respecté une condition qui est quoi qu'il faut qu'il soit mufrad là il est quoi il est jam كذلك la troisième condition il faut qu'il soit mukabbar il faut pas qu'il soit musakhkhar comme on a pu l'évoquer tam en abu مثلا ab ubay tam ubay يعني le petit père si on peut traduire ça comme ça là tam là si on te dit مثلا j'ai vu le petit père ra'aytu ubayya ra'aytu ubayya donc là ubayya كذلك sera quoi mansoub bil fatha zahira fi akhirih pourquoi c'est pas bil alif il a pas respecté une des conditions qui est quoi qu'il faut qu'il soit quoi mukabbar c'est-à-dire qu'il n'est pas musaqar on a pu évoquer c'est quoi la marana de musaqar et mukabbar donc les conditions qu'on a évoquées hier elles s'appliquent kadhalika dans le mahal qui est al-nasb kadhalika dans le mahal qui est à venir inshallah dans le khafd qala amma al-kasratu فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم الكسرة كذلك هي علامة من علامة النصب متى في جمع المؤنث السالم فقط تمام dans un seul موضع qui est quoi lorsque la kalima ça sera un jam مؤنث السالم on a pu évoquer qu'est-ce que le jam مؤنث السالم فَكُلُّمَا جُمِعَ فِي زِيَدَةِ الْأَلِفْ وَالْتَعْ. Toute chose yani, qui a été formée dans un pluriel avec l'ajout du alif et du ta. مُسْلِمَةٌ مُسْلِمَات, طَالِبَةٌ طَالِبَات, فَاطِمَةُ فَاطِمَات, حَمْزَةُ حَمْزَات, عَائِشَةُ عَائِشَات. كُلُّمَا جُمِعَ بِزِيَدَةِ الْأَلِفْ وَالْتَعْ. Ça c'est quoi? جَمْعُ مُؤَنَّثْ السَّارِمْ. On a pu l'évoquer. T'as des noms comme Hamza, Ukkasha, Talha. T'as ces noms-là. Lorsque ça va être le jam, tu vas faire comme si jamais c'était quoi? Jam ou anath salim. Il n'y a pas de, il y a pas de mépris comme on a pu l'évoquer. C'est parce que les Arabes ils ont toujours prononcé comme ça. Celui qui est mu'annath, même si jamais il est lafzi, parce que d'apparence il est mu'annath. Il y a Hamza, il n'avait qu'une tamarrota. Et la tamarrota c'est utilisé pour quoi? Les kalimas qui sont mu'annatha pour le féminin. Lakin, il est lafzi pas ma'nawi. Il est mu'annath lafzi pas ma'nawi. Dans le ma'na, c'est quoi? C'est un nom qui est donné pour un homme. Lakin, tu vas faire comme si jamais c'était quoi? C'est un jam mu'annath. C'est-à-dire, lorsque tu vas mettre le pluriel pour les noms, comme Hamza qui se finit avec une tamar rota et l'akhirihi, tu vas faire comme si jamais c'était quoi? Un jam mu'annath salim. Tu le rajoutes, lorsque tu veux le rajouter, tu enlèves tamar rota, tu ajoutes le alif et ta. Tam ukkasha, mettons ukkasha tout. Tu diras quoi? Ukkashat. Tam ukkashat. Donc lui, lorsque le jam' anas salim, il sera mansoub, il sera mansoub bil kasra, niyabatan an al kasra, niyabatan an al fatha, niyabatan an al fatha. Pourquoi? Parce que c'est un jam' anas salim et c'est ainsi que les Arabes ils ont quoi? Ils ont prononcé. Mathalan, khalaqallahu as-samawati wal arda. Tam khalaqallahu as-samawati wal arda. Khalaqa fi'lun madin mabni ala al fatha. Allahul Jalala, et on ne dit pas Allah fa'il, on dit Allahul Jalala. Lorsque tu veux évoquer les Arabes de Asma Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis Allahul Jalala, ou bien Allahul Rahman, ou bien Allahul Rahim, ila akhirih. Donc Allahul Jalala, marfou' bi al-fi'l, wa alamatu raf'ihi al-dhamma al-zahira fi akhirih, li'annahu ismu mufrad. As-samawat maf'ulun bihi. منصوب بالفعل وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث السالم تم و سنعرف سبتو سنحرف عطف الأرض إلى معطوف تم والمعطوف تم إلى معطوف المعطوف على المنصوب منصوب مثله تم بقول إلى منصوب بس كي إلى خشية الكلمة كمنصوبة تم دكنا في بوح كالله سبحانه وتعالى دي خلق الله سماواتي تم سيستفا ان جمع ان السالم دون لكن سخا منصوب لكن فتحة تم مثلا في غير القرآن on peut pas dire خلق الله السماوات تم والأرض impossible تم parce que c'est un جمع ان السالم et les Arabes ils ont toujours prononcé يعني ceci comme cela تم donc ça cette كسرة va remplacer la فتحة pour le جمع مؤنث السالم qui sera منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة qui va remplacer الفتحة نيابة c'est à dire qui remplace. قال أما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. نعم في التثنية والجمع. إنه دي أما الياء كذلك سن علامة من علامة النصب تام متى قال في التثنية والجمع. التثنية كما نقول بوكي سلو جوال تام كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون في حالة الرفع وَبِنْيَا وَنُنْ فِي حَالَتَيْ النَّصْبِ وَالْخَفْضِ. C'est tout ce qui va indiquer le duel, que ce soit pour un homme ou bien une femme, auquel on va lui ajouter un alif et un nun si jamais il est marfou', et un ya et nun si jamais il est mansoub, ou bien si jamais il est quoi? Il est marfou', il est majrour. Donc là c'est le cas ici. Si jamais il est mansoub, التثنية ce sera mansoub yesh بِلْيَا نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ. مثلا رأيت مسلمين, رأيت مسلمين et la noun qui suit le ya ou bien qui va suivre le alif, elle est toujours avec une kasra, tamam? Elle est toujours avec une kasra, et celle qui est dans le jam' al-mudhakkar al-salim, elle est toujours avec quoi? Une fatha, tamam? Tu diras مثلا هؤلاء مسلمون, tamam? هؤلاء مسلمون. Et si jamais c'est le duel, هؤلاء مسلمان, tamam? Donc le noun, faut faire attention inshallah à l'écrit. Si jamais il est muthanna, ce sera quoi? Avec une kasra. Qu'il soit marfou', qu'il soit majrour, qu'il soit ce qu'il soit. Et kadhalika pour le jam mu'annath, jam mudhakkar salim. Toujours avec quoi? Une fatha sur le nom. Donc là, at-tathniya, comme on a dit ra'aytu mathal muslimayn, ra'aytu fi'l madh mabni 'ala sukun fi mabni 'ala sukun l'ittisalihi bi ta wa atta damir muttasil fi mahal raf fa'il muslimayn maf'ul bihi mansub bil fi'l wa 'alamatu nasbihi al ya niyabatan 'an al fatha li'annahu muthanna. Donc la alama qui nous montre que muslimayn il est mansub, c'est quoi? C'est le ya qui vient remplacer la fatha. Pourquoi? Parce que le muthanna, c'est toujours comme ça qu'ils l'ont évoqué les arabes, lorsqu'ils le prononcent, ils le prononcent avec quoi? Avec une ya. Tam ra'aytu muslimayn. Ils n'ont jamais évoqué d'autre chose que cela. Naam. Qala wal jam'a. Tam wal jam'a. Lakin c'est pas toutes les sortes de jam'. Tam comme on a pu le voir, le jam' taksir, lorsqu'il est mansoub, il est mansoub bi ash bil fatha kama qala fi al bidaya. Au début, il a dit quoi? Il a dit fatha. Naam. Qala amma al fathatu fa amma al fathatu fa takun 'alamatan li nasbi fi thalathat mawadi' fi al ism al mufrad wa jam' taksir. Tam donc le jam' taksir, il est mansoub bil fatha. Lorsqu'il a dit jam', tu peux penser que c'est toutes les sortes de jam'. Tam, c'est toutes les sortes de jam'. Là, ce qui est voulu ici, c'est le jam' mudhakkar as-salim. Tam, jam' mudhakkar as-salim. Lorsqu'il sera mansoub, il sera mansoub bil ya. Tam, ra'aytu marrant, n'am, ra'aytu al-muslimina. Tam, ra'aytu al-muslimina. Ra'aytu fi'l madhi mabni 'ala sukun. L'ittisalihi bil ta al-mutaharrika. Mutaharrika parce qu'il y a une dhamma. Tam. والضمير يعني أتى ضمير متصل في محل رفع فاعل المسلمين المسلمين مفعول به منصوب بالفعل أي برأيت تمام وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم بس كده جمع مذكر سالم تمام دوك كذلك لو جمع مذكر سالم بس كده منصوب سيصبح بالياء نيابة عن الفتحة pourquoi on dit نيابة parce que le أصل fi al-nasb, comme on a pu l'évoquer, c'est quoi le fatha? Donc si jamais c'est pas avec le fatha, tam, tu dis il est mansoub bikada niyabatan ani fatha, tam, kada le cas dans le raf, tam, il est marfou' bikada niyabatan ani ad-damma, et comme ça va venir inchallah pour les autres kalima. Qala rahimahullah ta'ala, qala amma hafu al-nun fayakunu alamatan lil-nasbi fi al-af'al al-khamsati allati raf'uha bithabati al-nun. Il nous dit, حث النون c'est une halama. من علامة الإعراب في النصب. متى? Il dit, lorsque ce sera dans le fi'l, qui est quoi? Dans les afhal al-khamsa. Et ce qui est voulu bil afhal al-khamsa, comme on a pu l'évoquer, c'est quoi? Al-amthila al-khamsa. Tam, c'est le fi'l al-mudari' alladhi ittasala bihi waw al-jama'a ou ya al-mukhataba ou alif al-tathniya. Tam, c'est ça qui est voulu dans al-afhal al-khamsa. Et comme on avait évoqué, le plus juste c'est de dire al-amthilatu al-khamsa. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis yaf'alani, taf'alani, taf'alina, yaf'aluna, taf'aluna, est-ce que c'est 5 verbes? Parce que lorsque tu dis al-af'al al-khamsa, ma'na dhalika, c'est 5 verbes. Tam? Les 5 verbes. Lakin, est-ce que c'est 5 verbes? Là. Tam? C'est 5 exemples. C'est pour ça qu'ils ont dit quoi? Le plus juste c'est de dire al-amthilatu al-khamsa. Li'anna hiya amthila wa laysat af'al, na'am, laysat yani khamsatan. Afhal, tam, laysat, khamsata, afhal. Comme c'est pas 5 verbes, lakin c'est 5 exemples. Tam. Donc le plus juste c'est dire 5 exemples. Il est dit, allati raf'uha bi thabati an-nun. C'est quoi? C'est le fi'l al-mudari', mata yakun al-fi'l al-mudari', tam, mansoub bi al-hatf an-nun. Il dit, lorsque tu verras que le fi'l est quoi? Yani bi thabat an-nun. Et en vérité, on aurait pu dire quoi? Yani que le fi'l al-mudari' il sera mansoub tam idha dakhala alayhi nasib wa lam yattasil bi akhrihi shay, tout simplement. Tam, yani idha dakhala ala al-af'al al-khamsa ou plutôt al-amthila al-khamsa wa lam yattasil bi akhrihi shay, tout simplement. Tam, donc si on veut donner le bon dhabit, la bonne norme afin de savoir mata يكون حذف النون علامة للنصب أمرا في الأمثلة الخمسة التي دخلت عليها ناصب ولم يتصل بآخرها شيء. Donc ça sera le fi'l mudari' sera mansoub بحذف النون lorsque ce sera dans l'amthila al-khamsa et qu'il y a un nasib qui va rentrer et qu'il n'y aura rien qui va quoi qui va rendre mabni, qui va rendre mabni cette chose-là. Mathalan, lan taf'alu. Lan taf'alu. Lan, c'est quoi? C'est un nasib. Dakhala ala al-fi'l mudari'. Et dans les amthila al-khamsa, c'est-à-dire dans celui dont soit il y a le ya, ou soit le wa, ou bien le alif, qui est fa'il. Donc là, il sera quoi? Il sera mansoub. Mathalan, lan, on dira quoi? Harfu nasbin. واستقبال نصبين pourquoi parce qu'il va rendre mansoub استقبال لأنه يدل على الاستقبال lorsque tu dis لن تفعلوا فإن لم تفعلوا كما قال سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فقول سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن ولن تفعلوا ici on dira لن حرف واش نصب واستقبال on explique pourquoi تفعلوا on dira فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لماذا تم حذف النون نيابة عن الفتحة لماذا لأنه من الأمثلة الخمسة pourquoi il n'est pas منصوب بالفتحة parce qu'il y a un ناصب qui rentre et il fait partie des أمثلة الخمسة أما si jamais il y a un ناصب qui rentre et que le فعل المضارع il ne fait pas partie des أمثلة الخمسة Et bien, ce sera quoi ? Il sera mansoub al-fatha. Il sera mansoub al-fatha, comme on a pu l'évoquer au début. Mathalan, l'an atluba al-ilm inda mubtadi'in, insha'Allah. L'an atluba, l'an harfu nasbin wa istiqbal. Wa atluba fi al-mudari' mansoub bilan. Wa alamatu nasbi al-fatha al-zahira fi akhirihi. Al-fatha al-zahira fi akhirihi. Parce que là, c'est à l'asl. On n'a pas besoin d'évoquer pourquoi ? Il est à l'asl. Il est à l'asl. Donc si jamais il fait partie des afhal, plutôt du fi'l, c'est un fi'l mudari' et il est rentré, lui on a trouvé un nasib, ça ne suffit pas. Pour qu'il soit mansoub bi hadf an-nun, il faut qu'il soit, il fasse partie des amthila al-khamsa. Donc là on répète, inshallah on récapitule. Al-nasb ila khamsu alama tadullu ala annahu mansoub. Soit c'est biyesh al-fatha et c'est l'asl. Ou soit c'est bil-alif. Soit c'est bi alia, soit c'est bi kasra, ou bien soit c'est bi hadf an-nun. La fatha, elle est dans trois mawadi'. Dans al-ism al-mufarad, mithlu Muhammad, ra'aytu Muhammadan. Jam' taksir, tam, mathalan, inna al-buyuta jamila. Al-fi'l al-mudari', idha dakhala 'alayhi nasib, wa lam yattasim bi akhirihi shay. Fi'l mudari', dakhala 'alayhi nasib, lam. ولم يت نعم ولم يتصل بآخر شيء أي الشيء كي ما ليهم سواء مبني أو بيان كي يغير شانجيه صن إعراب بحذف النون تام مثلا لن أطلبه ça c'est les trois mawadi' dans lesquels on va trouver la kalima qui sera mansoub bil fatha al alif ce sera dans quoi dans tasniya tam al alif plutôt dans l'asma al sita tam رأيت أباك رأيت أخاك رأيت حماك رأيت qu'est-ce qui manque فاك Ra'aytu dha malin, une personne qui avait de l'argent. Donc là, ils sont quoi? Mansoum, lakin biyesh, bil alif, li'annahum min al-am, al-asma, as-sitta, tam wa niyabatan ani al-fatha. La kasra kazalika, dans une kalima, qui est quoi? Al-jam'a, al-mu'annath al-salim. Mithlu, qawlu subhanahu wa ta'ala, khalaqallahu as-samawati. Tam, samawati, il est mansoum, bi al-kasra niyabatan ani al-fatha. Pourquoi? Parce que ça fait partie de jam'a, mu'annath al-salim. Le ya, il sera dans deux mawdi', tam, fi mawdi'ayn, fi mawdi'ayn, fi at-tathniyati wal jam' al-mudhakkar salim. Tam, lorsqu'il a dit al-jam', faut faire attention, tam, c'est pas tout le jam', c'est le jam' mudhakkar salim. Tam, les deux, ils seront mansoub biyesh, bil ya. Ra'aytu muslimayni wa kafirina. Tam, j'ai vu deux musulmans et deux kuffar. Ou plutôt, il y en a plusieurs kuffar. Tam, il manque quoi? Le hadf an-nun. Le hadf an-nun, c'est dans quoi? C'est dans l'amthila al-khamsa allati dakhala 'alayha nasib. C'est dans l'amthila qui sont, yani amthila al-khamsa dans lesquelles le nasib est rentré dedans. Donc ça c'est le comment ça s'appelle? Le mu'rab bi lorsqu'il sera mansoub. Tam, lorsqu'il sera mansoub, imma bi fatha, imma bil alif, imma bil kasra, imma bil ya, imma bi hadf an-nun. Qala rahimahullah ta'ala. قال نعم وللخفض ثلاث علامات الخفض on avait pu voir c'est l'ibara des كوفيين les كوفيون la kalima qui est mahfouda tam qui se finit par une kasra ou ma naba anha il appelle الخفض tam et ashab basra al basri نعم al basriyun ils disent quoi al jar tam al jar est beaucoup plus utilisé à notre époque قال وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. Donc là, il a quoi? Il a trois mots dans lesquels on va trouver. Lorsque tu vas trouver une kalima qui est marfoud, elle sera soit marfoud biyesh, soit bil kasra, ou bien soit bil ya, ou soit bil fatha. Tu ne trouveras pas autre chose. فقال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. La kasra, t'as le mot qui sera majrour bil kasra, ça sera dans trois kalima. قال في الاسم المفرد المنصرف. T'as mis à rajouter une nouvelle chose qui est quoi munsarif. Amma al-ism al-mufrad, on la connaît. T'as al-ism al-mufrad, ma lam yadul ala al-tathniyati wala ala al-jam'. T'as, c'est tout ce qui n'indique pas le pluriel et n'est qu'à duel. T'as ma'ruf, le singulier. Al-munsarif, ma'na dhalika, le munsarif, c'est celui qui n'est pas mamnou' min asarf. T'as même ala al-munsarif, alladhi laysa bi mamnou'in min asarf. T'as, parce qu'on va voir, il y a des kalimal qui sont quoi? Qui sont mu'raba et qui sont munsarif. Et tu as des kalima qui sont mu'raba et qui sont ghayr munsarif. Ma'na zalika ay annahu mamnu'un min as-sarf. Ma ma'na as-sarf ay mamnu'un min at-tanwin. C'est-à-dire que il prendra pas de tanwin quoi qu'il en soit, tamam? Il n'en prendra pas de tanwin quoi qu'il en soit. Tu as des kalima, il prend pas de tanwin. Muhammadun, il prend un tanwin. Ahmad, il prend pas de tanwin. Tamam? On dit pas Ahmadun abadan, tamam? Ça se dit pas Ahmadun. On dit Ahmadu. Ahmadu, c'est quoi? C'est une kalima qui est mufrada, lakin qui est ghayr munsarifa. Elle n'est pas munsarifa, elle est quoi? Mamnou'un min as-sarf. Interdit de sarf, qu'est-ce? Mamnou' min at-tanwin. Même ma'na sarf, ay at-tanwin. Donc là, lorsqu'il dit fil ismi al-mufrad al-munsarif, ay alladhi 'indahu tanwin. Celui qui a un tanwin, celui qui a un tanwin. Et ba'dhum il dit, ils appellent ça dans notre kutub, inchallah, on va laisser mon bab al-fayda, ils appellent ça mutamakkin, tam? Mutamakkin amkan. Mutamakkin amkan. Le ismo qui est munsarif. C'est juste même bab al-fayda. Après l'explication, inchallah, ça viendra dans d'autres livres, inchallah, wa tabarak wa ta'ala. Lakin, c'est pour vous ouvrir l'esprit, si jamais vous entendez mutamakkin amkan, comme tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mutamakkin amkan, c'est un mot qui est long, compliqué. Lakin, c'est pour dire quoi? Que c'est une kalima qui prend tanwin. On va voir. Parce que les tanwin, il y a plusieurs sortes de tanwin. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Inch'Allah, c'est une appellation. Donc si vous avez cette appellation-là, c'est bima'na'ish al-ismu al-munsarif. Celui qui a une tanwin. Donc il nous dit, fi thalathati mawadi', al-awwal ma huwa, qala fi al-ismi al-mufradi al-munsarif. Mathalan, Muhammad. Marantu bi Muhammadin. Marantu bi Muhammadin. Muhammadin. هنا donc مرنتو فعل مضارع فعل الماضي مبني على السكون ولاتصاله بالتاء المتحركة والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل الباء حرف خفض وبنتجي حرف جر ومحمد اسم مجرور أو اسم مخفوض مجرور بالباء وعلامة جره أو علامة خفضه الف الكسرة الظاهرة في آخره تمام. La alama qui demande qu'il est mahfoud ou bien majrour, c'est quoi la kasra qu'on a vu à la fin? Muhammadin, tam Muhammadin. Qala wa jam' at-taksir. Tam jam' at-taksir. Mathalan, on a pu voir avec, on va prendre toujours Buyut. C'est le même exemple, inshallah. Tam Buyut, on a pu voir s'il y a un jam' at-taksir. Li'annahu taghayyara jam'uhu min bina'i mufradihi. Si on prend le singulier, on prend le pluriel, c'est pas la même chose. Tam, ils différencient. Baytun, c'est singulier. Buyut, c'est le pluriel. Taghayyara. Pour ce qu'on appelle jam taksir, l'anna takassara al-jam' bi nisbati bina'i mufradihi. Je fais exprès de le répéter, même si je sais que vous avez compris. Lakin, c'est pour que tam ce soit. Plus c'est répété, mieux c'est. Ah ouais, j'avais pas vu, il avait dit fi na'am. Al-jam' al-taksir al-munsarif. Tam. Jam al-taksir al-munsarif. Le jam qui est quoi? Taksir. Et qui est quoi? Munsarif. Na'am. Kadarika, parce que tu as des jams qui sont quoi? Taksir, lakin qui sont ghayr munsarif. Mathalan, mafatih. Mafatih, c'est un jam' taksir. Pourquoi? Parce que si jamais tu prends le mufrad, taghayyara, tam al-jam'. Miftahun, c'est le mufrad, miftahun. Al-jam' c'est quoi? Mafatih. Tam, après le fayan alif, dans le mufrad il n'avait pas. Tam, le fayan fatha, dans le mufrad il avait le sukun. Donc taghayyara. Donc on appelle ça quoi? Jam' taksir. Est-ce que c'est un jam' taksir tout court là? Jam' taksir, ghayru munsarif. Pourquoi? Parce que il prend pas de tanwin. Tam, maintenant tu veux dire. هذه مفاتيح tu diras pas هذه مفاتيح تمام tu pourras pas dire ça ابدا تمام les arabes ils ont jamais prononcé مفاتيح le pluriel avec quoi une tanwin à la fin ابدا تمام jamais de la vie donc là on appelle ça quoi jam' al-takthir lakin غير منصرف et qui ne prend pas de tanwin تمام الصرف comme on a pu l'évoquer c'est quoi la tanwin ici qui est voulu تمام qu'il a terminé. Donc le djam taksir qui est moum sarif, naam. Lorsqu'il sera marfoud ou bien majrour, il sera majrour biyesh bil kasra. Mathalan, on avait dit quoi, bayt tam? Tam bayt, le djam c'est quoi, bouyout? Tam maranto bi bouyoutin djamila, mathalan. Maranto bi bouyoutin djamila. Maranto. فعل الماضي مبني على سكون اتصاله بالتاء المتحركه والتاء المتحركه في محل الرفع فاعل باء حرف جر والبيوت سيكون البيوت نعم بالبيوت الجميله البيوت اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره الظاهره في اخره تام و سيكون الجميله للجميله سنعت تام النعت ديسكو تابع تام سان تابع سي سوكي سويت تام نسيت الاعراب اذا يعني عربي يعني بيان سبيسيال بعض الحصله يجي تابع له والتابع له كالمتبوع تمام ان كلمه هكذا تمام ان كلمه كهكذا دونك يعني لو جامع كي تكسير كي منصرف نعم يصح كو منصرف يعني كي برون تنوي لوسكي سرا مجرور سا سرا بيش بالفتحه بالكسره تم اما غير منصرف كم مفاتيح كم فنادق كم هنا بليزيور تمام اون فال فوز الي لفو ان شاء الله دون دوتر كور. C'est comment on fait pour reconnaître celui qui est monsarif et celui qui n'est pas monsarif. Ma'ruf, il y a des awzan. Tam, il y a des awzan. Ceux qui sont à la wazn, mathalan, af'ila. Ceux qui sont à la wazn, fu'ala. Ceux qui sont, ils appellent ça muntaha al-jumu'. Tam, mafatih, mafa'ili, l'akhiri. Il y a des awzan pour les reconnaître. Tam. Ceux qui ont étudié un peu le tam 1 ou bien le tam 2, ils connaissent. Il y en a les kalimas qui sont quoi? Qui sont mamnu' min al-sarf. Tam. Ceux qui sont mamnu' min al-sarf, abadan, tu trouveras quoi? Majrun bil kasra. Tam. نعم. الخزم الموضوع دي كمان في الجمع المؤنث السالم. الجمع مؤنث السالم نص كسخة مجرور إسخاء مجرور يعني كمله منصوب. سترجع لكم أكل كسرة. تام. إلى إلى إلى مرفوع أكل ل لضمة. إلى منصوب إلى مجرور أكل لكسرة. تام. رأيت وبيتو مرنتم بالسيارة. تام. مرنتم بالسيارة. Je suis passé à côté de voiture. تام. De voiture. Donc maratum معروف فعل الماضي فعل الماضي مبني على السكون وتا متصل ضمير متصل متحرك في محل رفع فاعل بحرف جر والسياره اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسره الظاهره في اخره لانه يعني انا بابزون ديفوكي حتى لوسكو سي افيك الاصل لوسكو سي افيك لا كلمه لا لا العلامه الاصليه ديفوك با بوكو باسكو سي الاصل تمام يزون قاعده. Il dit lorsque c'est l'as, on n'évoque pas pourquoi. On ne dit pas pourquoi. Maintenant, le ism, il est quoi? Il est mu'arab. Tu n'as pas besoin de demander pourquoi. Lakin, si jamais il est mabni, tu as le droit de dire l'ima adabouniya. Et ensuite, il t'évoque pourquoi il est mabni. Ils évoquent les causes. Il y en a qui ont évoqué les grammairiens. Lakin, l'as, fiché, on ne demande pas dans les arabes. Comment ça s'appelle? Dans nahl. Donc là, Kazalika, on ne demande pas pourquoi il est majorur bi al-kasara. Parce que c'est l'as. Ensuite, il dit, rahimahullah, « قال أما الياء فتكون علامة لخفض في ثلاثة مواضع. قال في الأسماء الخمسة. » Comme on a pu l'évoquer, الأسماء الستة. « وفي التثنية والجمع. » الياء, c'est une علامه. Pour le خفض, dans ثلاثة مواضع. ثلاثة كلمات. « في الأسماء الستة. » Avec les mêmes choses qu'on avait évoquées. Il faut qu'il soit مضاف إلى غيرية المتكلم. Il faut qu'il soit مفرد. Il faut qu'il soit Mokabbar. Si il répond pas à une de ces conditions-là, il sera majrour bil kasra al muqaddara. Il sera, yani muqaddara si jamais il est mudaf ila ya al mutakallim. Ama dans les autres deux choses, si jamais il ne respecte pas, il sera majrour bi al kasra al zahira fi akhirihi, yani bil asr. Ama al asma al sita, mathalan, marantum bi abik. Marantum bi abik. Tam abi, wana il sera quoi? Il sera, maintenant, on va passer directement à l'abi, tam mafhulun bihi, mansouf, puis tu diras majrour, tam ismu majrour, bilba, wa alamatu jarrihi al-ya, niyabatan an al-kasara, limadha, parce qu'on demande pourquoi là, parce qu'il a remplacé la kasara, limadha, li'annahu min al-asma asetta, kadhalika avec quoi, akhika, ra'aytu maratu bi akhika, la même chose, tam, il sera majrour, bilya, نيابة عن الكسرة لماذا لأنه من أسماء ستة إلى آخر الأسماء ستة تام. Il nous dit le deuxième c'est quoi في التثنية نعم كذلك تام la kalima qui est le duel on a pu l'évoquer تام ما كل ما دل على نعم الاثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون في حالة الرفع والياء في حالتي الجر والنصب مثلا مرنتم بمسلمين مرنتم بمسلمين مسلمين سقط اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه مثنى. بس كيف سان دوال؟ الدوال اللي كوا إلى مجرور بالكسرة بال يقصد. قال والجمع. Lorsqu'il dit le jam', wallah alam, on dirait qu'il veut viser le jam' al-mudhakkar salim. Le jam' al-mudhakkar salim. Donc là, kadhalika, la même chose. Marantum bi muslimina. Marantum bi muslimina. Al-muslimina, ismu majrur bilba wa alamatu jarrihi au khafdihi al-ya niyabatan al-kasra. Limada li'annahu jam' al-mudhakkar salim. Wal jam' al-mudhakkar salim, c'est hakada, il est majrur bilya. Qala rahimahullahu ta'ala. أما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف أي الممنوع من الصرف الذي لا يقبل التنوين. Celui qui n'accepte pas la tanwin. Lorsqu'il sera majrour, il sera majrour بالفتحة. Tu seras majrour بالفتحة. مثلا tu diras مرنت بأحمد. أحمد. Pourquoi on n'a pas dit أحمدي? Pourquoi on n'a pas dit أحمدي? Parce que l'imam il est ممنوع من الصرف. Il prend pas de tanwin. À nous de connaître les asma qui sont quoi? Qui sont pas mumsarifa, qui prennent pas de tanwin. Tam, si on les connaît, il faut savoir que lorsqu'ils seront majrour, ça sera bil fatha et pas la kasra. Ra'aytu ou marantu bi ahmada. Marantu bi ahmada. Tam, ahmada harf ismu majrour bil ba. Wa alamatu jarrihi al fatha al zahira fi akhirih niyabatan 'an al kasra. Limadha? Li'annahu ismun ghayr munsarif. Parce que c'est un nom qui est quoi? Qui prend pas de tanwin. Tam, qui prend pas de tanwin. Et les ismes qui sont memnu' min asarf, qui sont memnu' min asarf, ils sont majrour bil fatha avec deux conditions, bi sharti. La première condition, c'est que ce ism al munsarif munsarif, il faut pas qu'il rentre elle dedans. Il faut pas qu'il y ait elle dedans. Si elle y rentre dedans, il va être majrour bil asl bil kasra. Tam, مثلا masajid. Tam, masajid, ça fait partie des quoi? C'est un jam' qui est muntaha al-jumu' et c'est un jam' comment ça s'appelle? C'est une kalima qui est ghayr munsarifa. Tam, c'est un ismo ghayr munsarif. Si je dis مثلا marantu bil masajid, tam, je dirais pas bil masajida. Tam, je dirais pas bil masajida. Je dirais bil masajidi. Limada? Même si jamais c'est un ism ghayr munsarif, tam, lakin là, elle est rentrée dedans. Et elle, lorsqu'il rentre dans les asma qui sont ghayr munsarifa, eh ben, il sera majrour bil asl, c'est-à-dire bi'ash bil kasra. Si je fais l'i'rab, al-masajidi ismu majrur bil ba wa alamatu jarrihi al kasra al-zahira fi akhirih. Donc il revient à l'asl. Si jamais j'enlève le l, مثلا marantu bi masajida, je dirais pas bi masajidi, tam, bi masajida, et l'i'rab ma'ruf, tam, il sera ismu majrur bil ba wa alamatu jarrihi al fatha al-zahira fi akhirih نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف. تام اسم غير منصرف. تام ça c'est le premier, la première condition. Il faut que le ism qui est pas منصرف ou pas qui rentre elle. La deuxième condition, il faut pas qu'il soit مضاف. Si jamais il est مضاف, كذلك il sera quoi? مجرور. Si jamais il y a un حرف جر ou bien حرف خفض qui est devant lui, il sera مجرور بالكسرة. تام il sera مجرور بالكسرة. مثلا مرنت بمساجدكم. Tam, je suis passé à côté de votre mosquée. Tam, bimasajidikum. Tu ne diras pas quoi? Bimasajidakum. Abadan. Pourquoi? Parce que même si jamais c'est un ism ghayr munsarif, tam, et bien là il sera quoi? Il sera majrour bil kasra parce qu'il est mudaf. Et l'ism ghayr munsarif, si jamais il est mudaf, il sera majrour bil kasra. Tam, donc il faut rajouter cela, inshallah, à ce qu'il a ramené al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tam. Donc on va se faire de cela parce que je sais que l'heure de la prière approche pour vous, inshallah. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعنا وينفعنا كذلك أولا بما درسنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويوفقنا لكل خير ويحفظنا من كل شر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى le prochain cours jeudi prochain تم 3h30 بإذن الله سبحانه وتعالى مع تحية دمات أفاف وانكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.